Chapitre 6e. Monsieur Bertram partit pour B. Miss Crawford se prépara à trouver un grand vide dans la société qu'il venait de quitter, et dînant bientôt après à Mansfield, elle reprit sa place accoutumée au centre de la table, s'attendant bien à une grande différence dans le plaisir qu'elle trouvait auparavant avec les mêmes convives. Edmund, en comparaison de son frère, n'avait pas un mot à dire. Le premier service eut lieu sans qu'elle proférât une parole, sans qu'elle racontât quelque anecdote plaisante, sans qu'elle parlât de son ami A, de son ami B. Elle se borna à trouver quelque amusement à observer M. Rushworth, qui, au bout de la table, paraissait pour la première fois à Mansfield depuis l'arrivée de Crawford. Il avait été voir un de ses amis dans le voisinage, qui avait fait faire récemment des embellissements sur ses terres par un homme de l'art. Il était revenu la tête pleine de ce sujet, et très impatient de faire exécuter sur sa propriété des embellissements du même genre. Il ne pouvait parler d'autre chose, quoiqu'il n'y entendît rien. Ce sujet de conversation avait déjà été longuement traité dans le salon, et il fut encore repris à table. Il s'adressait évidemment à Miss Bertram dans tout ce qu'il disait, et cherchait à obtenir son approbation. Et quoique Miss Bertram manifestât dans son air le sentiment qu'elle avait de sa supériorité sur l'intelligence de M. Rushworth, le nom de Southerton et les idées qu'elle attachait à cette superbe propriété lui donnaient une sorte de complaisance à écouter M. Rushworth et l'empêchaient de paraître désobligeante pour lui. Mme Norris s'empressait d'approuver tout ce que disait M. Rushworth sur les changements qu'il voulait faire exécuter à Southerton. Lady Bertram l'engageait à faire des plantations, et M. Rushworth assurait qu'il ferait le plus grand cas de leurs observations. Il voulut partir de là pour faire un compliment à Lady Bertram, mais il s'embarrassa tellement dans sa soumission au goût de sa seigneurie, sa disposition à suivre les avis des dames, et l'insinuation qu'il y en avait une surtout à laquelle il voulait plaire, qu'Edmund fut obligé de venir à son secours en offrant du vin. Mais M. Rushworth, quoique parlant peu ordinairement, avait encore beaucoup de choses à dire sur un sujet qui lui tenait si fort à cœur. « Mon ami Smith, dit-il en reprenant la même conversation, n'a guère qu'une centaine d'acres dans son terrain, ce qui n'est pas bien considérable, et il est étonnant que l'on ait pu faire de tels embellissements dans un si petit espace. À Thornton, nous avons bien 700 acres, sans compter les prairies. De sorte que si on a pu faire tant de choses chez Smith, nous ne devons pas nous désespérer. Il a fait abattre 2 ou 3 grands arbres qui étaient auprès de la maison, ce qui donne une perspective étonnante. Cela me fait penser qu'il faudra sans doute que nous abattions l'avenue de Southerton, l'avenue qui conduit de la façade du Midi au sommet de la montagne. » Et en disant cela, il s'adressait à Miss Bertram. Mais Miss Bertram crut devoir répondre « L'avenue, je ne me la rappelle pas, je connais très peu Southerton. » Fanny, qui était assise vis-à-vis d'Edmund en face de Miss Crawford, et qui avait écouté tout ce qui s'était dit, regarda Edmund et lui dit à demi-voix « Je t'ai pas une avenue ? Quel dommage ! Cela ne vous fait-il pas penser à Cooper lorsqu'il dit « Beaux arbres renversés, je pleure votre sort non mérité ?» Edmund sourit et répondit « Je crains que l'avenue n'ait un mauvais sort, Fanny. » « J'aimerais bien voir Southerton avant qu'elle fût abattue. J'aimerais voir ce château avec son aspect d'antiquité tel qu'il existe aujourd'hui, mais je ne crois pas que cela puisse être. » « Vous n'y êtes jamais allé ? » ?»« Non, vous ne le pouviez pas. Malheureusement, c'est un peu trop loin pour une course à cheval. Je voudrais que nous puissions y aller. » »« Oh, ce que je dis n'a aucune importance. Si je vois ce château quelque jour, vous me direz ce qu'on y aura changé. » »« Je présume, dit Miss Crawford, que Southerton est une ancienne construction qui a quelque grandeur. Y a-t-il un style particulier d'architecture ?»« Le château, répondit Edmund, a été bâti du temps d'Élisabeth. C'est un bâtiment vaste, régulier, construit en briques, lourd, mais d'un aspect assez imposant, et où il y a beaucoup d'appartements assez commodes. Il est mal placé dans une des parties les plus basses du parc, et à cet égard, il n'est pas favorable à des embellissements. Mais les bois sont beaux, et il y a un ruisseau dont je crois que l'on peut tirer un bon parti. M. Rushworth a raison à ce que je pense, de vouloir donner à sa demeure un air moderne, et je ne doute point qu'il ne le fasse avec beaucoup de succès. » Miss Crawford écouta avec soumission et se dit à elle-même « C'est un homme bien né. Son ton est excellent. » Edmund continua. « Je ne veux pas influencer M. Rushworth, mais si j'avais un lieu à embellir, je ne voudrais pas en confier le soin à un homme salarié. J'aimerais mieux un degré moindre de beauté, pourvu qu'elle fût de mon propre choix. J'aimerais mieux avoir à me reprocher les fautes que j'aurais faites que les siennes. » Pour moi, dit Miss Crawford, je n'ai aucun goût pour ces sortes de choses que lorsque je les vois devant mes yeux. Et si j'avais une propriété à la campagne, j'aimerais assez trouver quelqu'un qui lui donnât des embellissements autant qu'il le pourrait faire pour mon argent. Et je ne regarderai jamais cette besogne qu'elle ne fût achevée. Je serais charmé, dit Fanny, de suivre les progrès de tout cela. Parce que vous avez été élevé de manière à y prendre goût, répondit Miss Crawford. Cela n'est entré pour rien dans mon éducation. Il y a 3 ans, l'amiral, mon très honoré oncle, acheta une maison de campagne à Twickenham pour que nous y allassions passer l'été. Ma tante et moi nous la trouvâmes ravissante, mais attendu qu'elle était très jolie, il fallut bientôt regarder comme nécessaire de l'embellir, et pendant 3 mois nous fûmes dans la boue et le désordre sans pouvoir trouver un sentier sablé pour nous promener, ni un banc pour nous asseoir. Henry diffère de moi, il aime ce genre d'occupation. Edmund fut fâché d'entendre Miss Crawford, qu'il était disposé à admirer, parler si légèrement de son oncle. Cela n'était pas d'accord avec ses idées, et il garda le silence jusqu'à ce que Miss Crawford eût changé de conversation. « Monsieur Bertram, lui dit-elle avec un aimable sourire, j'ai reçu enfin des nouvelles de Marp. J'ai appris qu'elle est arrivée à Northampton en bon état. » Edmund en exprima sa satisfaction et parla de la harpe comme de son instrument favori, en disant qu'il espérait que Miss Crawford lui permettrait de l'écouter. Fanny n'avait jamais entendu la harpe, elle désirait aussi vivement goûter ce plaisir. « Je serai très satisfaite de jouer pour vous deux, dit Miss Crawford, du moins aussi longtemps que vous pourrez aimer à m'écouter. Maintenant, Monsieur Bertram, si vous écrivez à votre frère, je vous prie de lui dire que j'ai reçu ma harpe. Il m'a entendu tellement la regretter. » Vous pourrez ajouter que je vais préparer mes airs les plus mélancoliques pour son retour, pour être en harmonie avec ses sentiments, car je suis sûr que son cheval perdra la course. Si j'écris, je dirai tout ce que vous m'ordonnerez d'écrire, mais pour le moment, je ne prévois aucune occasion pour le faire. Quel singulier frère êtes-vous donc? Vous ne vous écrivez que dans les nécessités les plus urgentes, et quand vous prenez la plume pour dire que le cheval est malade ou que tel parent est mort, cela est toujours écrit avec le moins de mots possible. « Vous n'avez qu'un style parmi vous. Je sais cela parfaitement. Henry, qui est à tous égards un excellent frère pour moi, n'a jamais tourné la feuille d'une lettre en m'écrivant. « Cher Marie, je viens d'arriver. Bath paraît être rempli et tout est comme à l'ordinaire. Votre dévoué, etc. » Voilà le véritable style d'un homme. C'est là une lettre complète pour un frère. « Quand ils sont éloignés de leur famille, dit Fanny en rougissant, à cause de William, ils peuvent aussi écrire de longues lettres. « Miss Price a un frère en mer, dit Edmund, qui est un excellent correspondant, ce qui fait qu'elle vous trouve trop sévère à notre égard. Le frère de Miss Price est au service du roi. » Fanny aurait bien voulu qu'Edmund eût donné les renseignements que Miss Crawford demandait, mais comme il gardait le silence, Fanny fut obligée de prendre la parole pour expliquer la situation de son frère. Sa voix était animée en parlant de sa profession et des voyages qu'il avait faits. Elle ne put mentionner le nombre des années depuis lesquelles il était éloigné d'elle, sans que des larmes ne vinssent humecter ses paupières. Miss Crawford dit avec politesse qu'elle lui désirait de l'avancement. « Savez-vous quelque chose du capitaine de mon cousin, du capitaine Marshall ?» dit Edmund. « Vous devez avoir beaucoup de connaissances dans la marine. »« Oui, parmi les amiraux, » répondit Miss Crawford. « Mais, avec un air de grandeur, nous connaissons très peu les rangs inférieurs. Les capitaines peuvent être de très braves gens, mais ils ne nous appartiennent pas. Je pourrais vous parler de tous les amiraux, vous dire leur pavillon, leur grade, leur solde, leur brigue, leur jalousie. Ma demeure chez mon oncle m'a mise à même d'en connaître un grand nombre. Ils sont tous assez insignifiants, je vous assure. » Edmund devint grave de nouveau et dit seulement, « C'est une noble profession. » « Oui, la profession est assez bonne sous 2 conditions. Si elle fait acquérir de la fortune, et s'il y a de la modération dans la dépense de cette fortune. Mais enfin, cette profession ne me plaît pas. Elle ne m'a jamais présenté une forme aimable. » Edmund revint à l'harpe et fut charmé d'avoir l'espérance d'entendre Miss Crawford sur cet instrument. Les autres convives avaient continué de s'entretenir de l'embellissement des terres, et Madame Grant ne put s'empêcher de s'adresser à son frère sur ce sujet, quoique ce fût l'enlever à Miss Julia. « Mon cher Henry, n'avez-vous rien à dire sur ce sujet ? Vous avez vous-même fait des embellissements. Et d'après ce que j'ai entendu dire, Debringham, cette terre peut être comparée avec toutes les maisons de campagne d'Angleterre. Il est vrai que les beautés naturelles en sont grandes. Il y a un si heureux mouvement de terrain, de si beaux bois, Que ne donnerais-je pas pour revoir cette maison ? Rien ne me serait plus agréable que d'avoir votre opinion là-dessus, répondit Crawford. Mais vous trouveriez peu de choses qui fût digne de vos idées actuelles. L'étendue est presque nulle, et quant aux embellissements, j'ai eu si peu de choses à faire que je ne puis en parler. J'aurais préféré avoir plus de besogne. Vous aimez cette sorte d'occupation ? Dit Julia. Excessivement. Je suis disposé à envier à M. Rushworth d'avoir tant de bonheur devant lui. J'ai dévoré le mien. Les personnes qui voient rapidement prennent leur résolution promptement et agissent de même, dit Julia. Mais au lieu d'envier le sort de M. Rushworth, vous pourriez l'aider de vos conseils. Madame Grant appuya fortement sur cette dernière idée, et comme Miss Bertram la saisit avec autant de promptitude, et y donna son approbation en disant qu'il valait beaucoup mieux consulter des amis désintéressés que de se mettre à la merci d'hommes qui faisaient leur profession de ces sortes de travaux, M. Rushworth s'empressa de prier M. Crawford de lui donner son assistance. Et M. Crawford, après avoir parlé comme il le devait faire de son peu d'habileté, mit ses services à sa disposition. M. Rushworth demanda alors à M. Crawford de lui faire l'honneur de venir à Southerton et d'y accepter un lit. Mais Mme Norris, qui semblait lire dans l'esprit de ses nièces et deviner le peu d'approbation qu'elle donnait à un plan qui éloignait M. Crawford, se hâta de mettre un amendement à la proposition. « Il n'y a point de doute, dit-elle, de l'acceptation de M. Crawford. Mais pourquoi ne ferions-nous pas une petite partie ? Il y a ici plus d'une personne qui s'intéresse à vos embellissements et qui serait charmée d'entendre l'opinion de M. Crawford sur le lieu même. Pour moi, il y a longtemps que je désire faire une nouvelle visite à votre mère. Pendant que je resterai quelques heures avec elle, vous autres jeunes gens vous examineriez le terrain et nous reviendrons dîner ici plus tard qu'à l'ordinaire. Ou bien, si votre mère le voulait, nous dînerions à Southerton et reviendrons au clair de lune. M. Crawford nous conduirait, mes nièces et moi, dans sa calèche. Edmond pourrait aller à cheval et Fanny resterait ici avec vous, ma sœur. » Lady Bertram ne fit aucune objection. Chacun de ceux qui étaient compris dans le voyage s'empressa de l'approuver, excepté Edmond, qui entendit tout sans rien dire.